Ok, alors ce soir, Parashat Ekev, on va raconter quelques histoires. Dans la Parashat, c'est. Premièrement, dans la Parashat, on trouve quelque chose qu'on connaît très bien, que le Shevet Lévi, le tribu de Lévi, n'ont pas reçu une partie de la terre d'Israël. C'est le seul tribu. Quand ils sont entrés en Eretz Israël, la terre d'Israël a été divisée en 12. En vérité, en 12. Et Shevet Yosef, ils étaient toujours 13. Parce que Shevet Yosef, il a eu deux fils. Et Yaakov lui avait promis qu'ils vont prendre partie de la terre d'Israël. Ménaché et Ephraïm, qui étaient les fils de Yosef, sont devenus comme deux tribus, si on veut. Alors il y en avait 13. À part Shevet Lévi, et Lévi, dans les Lévi, c'est les Kohanim. Les Kohanim aussi, Kohanim, ils font partie de Shevet Lévi. Ils viennent tous d'une famille. Ils n'ont pas reçu non plus une partie de la terre d'Israël. Alors il y a une question, est-ce que cette loi s'applique aussi au venu du Mashiach? Est-ce que quand Mashiach va venir, la Gemara, à Baba Batra, elle ramène qu'il y a 13 tribus qui vont recevoir une partie de la terre d'Israël et le Melech HaMashiach. Le Mashiach lui-même va recevoir aussi une partie de l'Eretz Israël. Bref, en conclusion, il y a plusieurs opinions. Une opinion qui dit que, en vérité, Shevet Lévi vont recevoir quand Mashiach va venir. Et comment est-ce qu'on va arriver à un compte de 13? Pas de problème. Shevet Yosef va se réunir, ça va être un tribu. Et Lévi va recevoir aussi, qui va faire 13, plus Mashiach. Mais Mashiach, ce n'est pas un tribu, c'est une personne. C'est une personne qui va recevoir une part. D'ailleurs, Melech HaMashiach, il va venir de la tribu de Yehuda. Alors, ce n'est pas un Shevet. Il y aura 13 tribus. Il y a une opinion qui dit que non, c'est impossible. C'est impossible que Lévi va recevoir une partie de la terre. Parce qu'on sait très bien qu'une des interdictions des 613 mitzvot, c'est que Lévi n'a pas le droit d'hériter une terre. C'est une interdiction. Si un Lévi vient et il prend une partie d'une terre, il est en train de faire un péché. Parce que c'est dans les 613 mitzvot que les Lévi ne reçoivent pas. Alors c'est impossible. Hein? Alors, les Lévi, ils reçoivent toujours une. Ils reçoivent une partie de. S'ils habitent à côté de Yehuda, de la tribu de Yehuda. Vous avez demandé, alors où est-ce qu'ils habitent? C'est ça. Aremiklat, oui, c'est bon, Aremiklat. Les Aremiklat, mais ça ne fait pas partie d'une partie de la terre. Ils reçoivent une petite ville ou quelque chose comme ça. Mais la Nachala d'un tribu, parce que imaginez-vous, Yehuda par exemple, ils ont reçu une belle partie de la terre d'Israël. Si c'était Ephraïm, ils ont reçu une belle partie. Shevet Benyamin, ils étaient à côté de Yerushalayim, ils ont reçu une partie qui est à côté du Beth Amikdash, etc. Lévi, ok, ils ont reçu une petite ville, Arem Miklat, ici une ville, ils étaient dispersés. Mais ils n'ont pas reçu leur partie de la terre, ils n'étaient pas divisés en 13. Alors, puisque la Torah, on sait qu'elle est éternelle, les lois de la Torah ne vont pas changer, même quand Mashiach va venir. Alors, beaucoup de commentaires disent c'est impossible que Shevet Lévi recevra une partie de la terre parce que la Torah ne changera pas. Il ne peut pas recevoir. Alors, on trouve un commentaire, le Maharsha. Le Maharsha qui rapporte que. Comment est-ce que la terre d'Israël a été divisée? Dans Parsha Pinchas, on trouve que la terre d'Israël était divisée dans un goral, une tombola. Oui? Au tirage. Oui? Bon, on savait très bien que chaque famille devait recevoir, mais à Kadosh Baruch Hu voulait que ça soit un tirage, que tout le monde voie que ça a été Minashamay. Alors, chacun sur ce. Alors, le Maharsha, il dit oui, c'est vrai. Les Shevet Lévi n'ont pas reçu une partie de la terre parce qu'ils. Les Shevet Lévi, ils n'ont rien à voir avec un goral. Un goral, c'est un tirage. Shevet Lévi, c'est des hommes spirituels. Ils n'ont rien à voir avec une chose physique comme un tirage, etc. Quand Akash Baruch Hu va amener le Mashiach dans le monde, oui, et il va rediviser la terre d'Israël, il n'y aura pas de goral, il n'y aura pas de tirage, parce que c'est Hachem qui va désigner qui va recevoir quoi. Melech HaMashiach, on va refaire une achala, imaginez-vous. On va rediviser la terre d'Israël quand Melech HaMashiach va venir. Ça ne va pas être la même chose. C'est-à-dire que si vous êtes du Shevet Dan, et moi je suis du Shevet Yehuda, et lui le Shevet Lévi, vous n'êtes pas un Lévi, mais vous êtes Shevet Issachar, par exemple, on ne va pas retourner à notre Nachala, aux tribus, on va rediviser la terre. Et quand Hachem il va rediviser la terre, là, Lévi vont recevoir, parce que ça ne va pas être en se basant sur un tirage. Alors, ça ne change pas la loi. Parce que la loi, c'est que, oui, le Shevet Lévi ne recevra pas une partie de la terre d'Israël avec un tirage, mais Doa Kabrou lui-même, ils vont le recevoir. Le rabbi, il a une autre différente explication. Il dit très simple. C'est une explication tellement simple qu'on regarde dans le Rambam, il dit comme ça. Le Shevet Lévi n'aura pas une partie de la terre de Eretz Kenaan. Pourquoi ici, d'habitude, quand on dit Eretz Kenaan, on trouve juste dans les textes bibliques. Quand on trouve plus tard dans le Rambam, le texte de Halakha, on ne trouve plus Eretz Kenaan. Après que le peuple d'Israël soit entré en Eretz Israël, c'est appelé Eretz Israël, c'est fini à plat de Kenaan. Pourquoi le Rambam il dit Eretz Kenaan? Le Rabbi dit c'est pour ça. Shevet Lévi n'auront pas une partie de Eretz Kenaan qui a été divisée au moment de l'entrée en Eretz Israël. Mais on sait très bien que quand Mashiach va venir, on aura trois autres Akeni, Vaknizi, Vakadmoni. Nous, on a reçu la terre juste de sept nations. Quand Mashiach va venir, on aura les trois autres. Que Keni, c'est Edom. D'ailleurs, tout Edom, vous savez ce qui est Edom. Edom, c'est les Américains et tout ça. Ça va devenir tout Eretz Israël. Les chrétiens, c'est ça. Tout, tous les... Hein? La terre des États-Unis. Ouais, tout. Ouais. La Gemara, elle dit que quand Mashiach viendra, le monde entier, ça va être Eretz Israël. Eretz Israël lui-même aura le statut de Yerushalayim. Yerushalayim aura le statut de Kodesh HaKodeshim. Ça veut dire, le monde entier, ça va être Eretz Israël. Ça, c'est les autres trois nations qu'on n'a pas reçues. À Keni, tout Eretz Israël. Tout fera... C'est intéressant. Tout fera partie d'Eretz Israël. Tandis que Eretz Israël va avoir le statut El Akdusha comme si c'était Yerushalayim. Yerushalayim lui-même, ça va être une partie du Mikdash, du Mont, si on veut. L'Akdusha, ça veut dire chaque partie du monde va s'élever à un niveau plus haut. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, la terre d'Israël, elle a une sainteté, oui, elle est sainte, elle est sainte, oui. Et, tandis que Eretz Ovdei Golelim, on aurait Chutz La'aretz, il n'y a pas cette Akdusha. Quand Mashiach va venir, cette doucha va se révéler partout dans le monde. Eretz Israël elle-même, qu'est-ce qu'elle viendra? Elle aussi doit être élevée. Alors elle va devenir Yerushalayim. Elle aura la statue de la doucha de Yerushalayim. Et Yerushalayim lui-même aura la statue du Mikdash, le mont, qui se trouve le Bet Amikdash. Alors le Rabbi dit, c'est très simple. Quand Mashiach va venir, les Lévi'im, ils vont recevoir une partie du Keni, Keni, Vekadmoni. C'est pour ça que le Rambam dit, oui, les Bnei Lévi'im n'auront pas une partie de Eretz Kenan qui avait été donnée à l'entrée d'Eretz Israël. Mais dans cette Eretz Kenan, Keni, Knezi, Vekadmoni n'a pas été inclus. Et dans cette partie, Lévi aura... Et dans de cette partie du monde, le Lévi aura une partie. C'est ça qui répond à cette question. Comment est-ce que la vie entre en conclusion, les Lévi'im auront une partie de la terre d'Israël quand Mashiach va venir, mais une partie, pas de Kenaan, mais une partie des trois autres nations que le peuple juif n'a pas hérité quand ils sont entrés en Eretz Israël. Très simplement, et on le voit dans le texte du Rambam. Les Lévi'im eux-mêmes, ils représentent, même dans le temps, c'est très intéressant, le Rambam il dit, qu'est-ce qu'ils faisaient les Lévi'im toute la journée? C'était quoi leur travail? Ils avaient pas, ils travaillaient pas la terre. Ben ils travaillaient la terre, ce qu'ils avaient besoin. Ils étudiaient. Ils servaient dans le Bet Amigdash. Et dans le temps du Bet Amigdash, c'était les gens qui allaient dans les villes. C'était comme les rabbins, et qu'ils allaient dans toutes les villes, ils donnaient des shiurim de Torah. Ils encourageaient le peuple. C'était comme les tzadikim de la génération, qu'ils encourageaient tout le monde de servir Dieu. Ça, c'était les Lévi'im. Le Rambam il dit que aujourd'hui, chacun s'y choisit, il peut devenir un Lévi. Bon, la fonction du Lévi, pas Lévi, il peut pas être devenir du tribu de Lévi, mais la fonction du Lévi de servir Dieu et des shurim de Torah, etc. Chaque personne peut devenir. quand on étudie la Torah hein, et la prière et à, toute la, à la fin de la journée, le Midrash il dit L'on est à vous, Chachamim, mal à l'imot à Mashiach, les Shibud Malchouyot. Ça veut dire le but de tout ce qu'on fait, c'est Mashiach. C'est la venue de la Géoula. Des fois, on oublie, parce que, à la fin de la journée. Mais si on regarde vraiment une personne qui travaille, à la fin, elle a un but. Elle doit arriver à ce but. Oui. Quand on travaille, quand on sert Hachem, en priant, en venant à la synagogue, en faire. Ce qu'on fait, même dans notre chose physique, le but, c'est d'amener Mashiach. Parce que même le peuple d'Israël, quand ils sont arrivés pour entrer en Eretz Israël, ils étaient prêts. Que Mashiach vienne. Si Moshe Rabbeinu serait rentré avec eux, Mashiach serait venu, ça serait fini. On aurait un premier Beth Amikdash et un dernier. Il n'y aura plus de autres Beth Amikdash, ça aurait été fini. Parce que tout le but, c'est Yemot HaMashiach. Pourquoi c'est le but Yemot HaMashiach? Pourquoi il y a tellement d'importance aussi des Lévi'im? Pourquoi on a besoin d'un groupe de personnes qui vont servir? Écoutez, chaque juif, il a une Neshama, oui. Chaque juif, il a une étincelle divine. Pourquoi on a besoin de ces tzadikim? Pourquoi on a besoin de ça? Parce qu'en très court, le tzadik, quand on se rattache à un talmid chacham, ou un tzadik, on va le pèleriner, etc., ça nous rend. Le tzadik lui-même, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Le tzadik lui-même, il vit dans ce monde et il peut vivre comme si Mashiach était là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi Mashiach? On nous demande, Rabbi il a dit plusieurs fois, aujourd'hui on doit vivre comme si Mashiach il était là. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors pour comprendre ça, c'est très simple. On regarde qu'est-ce qui va arriver quand Mashiach va venir. Première des choses, il n'y aura plus de haine. Il n'y aura plus de jalousie. Plus de guerre. On n'aura pas de désir au monde physique autant qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un désir au monde physique. On a besoin d'argent, on a besoin, etc. En cours, on doit faire ce qu'on doit faire. Il n'y aura plus ce désir-là. Alors, on apprend sur Mashiach et le temps du Mashiach et on essaie de l'appliquer aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va essayer de l'appliquer? Il n'y a plus de jalousie, alors je travaille sur moi-même. Comment est-ce que je vis Mashiach maintenant? Je vis Mashiach maintenant en travaillant sur mes qualités. Oui, qu'il n'y a plus de jalousie. Dans le temps de Mashiach, alors je travaille sur cette qualité de ne plus avoir trop de jalousie. Pas de haine envers quelqu'un, mon prochain. Et même si on a besoin des choses physiques, on sait très bien que les choses physiques, c'est pas un but en lui-même, mais c'est un moyen à arriver à un but. C'est pas juste. Oui, bien sûr. Le rabbi disait toujours. Un juif, il doit être riche. Pourquoi? Il a dit parce que on doit envoyer à l'école, chaque 6 jours on a un Shabbat, on a les fêtes, on a besoin d'argent. Moi, je parlais à mon voisin et je lui parle juste comme ça, c'est un non-juif. Et il me demande, j'étais à la ici, Kosher Quality. Il m'a dit, mais c'est un banque. Il faut venir avec un chéquier là-bas, c'est très cher. Il a vu le prix de la viande, il a vu ça. Il est sorti, il a rien acheté, même pas une canette de coke. Il a dit mais c'est. Il m'a dit comment est-ce que tu fais? Je lui dis c'est même pas, c'est juste le début et l'école. Je lui dis combien je paye pour l'école. Et je lui dis combien après qu'on paye même après l'école, il y a des autres frais. Il faut donner de la tzaka, etc. Il me regarde, il me dit you're crazy. Il me dit, tu es un fou, toi. Je lui dis, c'est ça, parce que le juif, il a besoin de ça. On a une autre vie complètement. Alors le point de vivre maintenant, ma chère, c'est de s'élever un petit peu du monde qui existe. Oui, le monde, on a toujours eu une concurrence, etc. C'est d'essayer de s'élever un petit peu de toutes ces choses-là. Et ça veut dire, ensemble, pas des trucs spirituels, ma chère, etc. Des choses pratiques. Vivre Mashiach, ça veut dire de s'élever un petit peu de notre niveau. Personne ne doit devenir un tzaddik. Akadosh Baruch Hu, la Torah, le Midrash, il dit En Akadosh Baruch Hu babetronia al briotav. Akadosh Baruch Hu, il ne vient pas nous imposer des choses qu'on ne peut pas le faire. Akadosh Baruch Hu ne nous demande pas, en d'autres mots, de devenir un tzaddik. Toi, Maimon, deviens un tzaddik. Il faut que tu sois comme le rabbi. Non, ce n'est pas ce que Hashem nous demande à nous. Il y avait un très grand tzaddik qui disait quand je suis arrivé, il s'appelait Zouché, ce tzaddik-là. Alors, il disait toujours, après 120 ans, j'ai pas peur qu'on va me demander pourquoi tu t'es pas comme Abraham, Israël et Yaakov. J'ai peur qu'on me demande pourquoi tu n'étais pas Zouché. Pourquoi tu n'as pas maximisé ton potentiel. Je ne dois pas devenir la personne qui est devant moi, je ne sais pas qui. Je dois devenir moi-même et toujours grandir un petit peu et toujours avoir le potentiel. Et c'est ça la raison, si on veut, qu'on doit toujours s'attacher au tzadikim. Parce que quand on s'attache au tzadikim, les tzadikim vivent une vie un peu plus élevée de ce monde-là. Et quand on s'attache à un tzadik, alors on apprend de ses qualités, on s'attache à lui et lui-même, des fois, il nous élève. Avec un peu, on se pousse un petit peu et le tzadik, il essaie beaucoup de nous élever. Je vais vous raconter une histoire. Après que je me suis marié, mais vraiment, comment c'est très important la Emouna des tzadikim. Après que je me suis marié, moi et ma femme, c'est une histoire très personnelle, mais bon, parce qu'on est ici, on est à trois, hein, je vais vous raconter l'histoire. Et ça a un petit peu rapport avec le lien de Emouna dans les tzadikim. Après qu'on s'est marié, on n'a pas eu d'enfant pour 3 ans. 3 ans. Moi, ma femme, après 9 mois, déjà, elle a commencé à paniquer. Bon, les femmes, c'est un petit peu différent. Oui, ils ont... Après 1 an, certainement, et après 1 an, moi, je voulais rien faire avant 1 année, ne pas aller chez le docteur. Après 1 an, ok, après 1 an aussi, ah, ouais. Quand j'ai appelé un Rav qui était. J'habitais en Eretz Israël dans ce temps-là, quand j'ai appelé un Rav, il m'a dit quoi ? Tu es marié 1 an, laisse tomber, ne fais rien, mais si tu es juste marié 1 an, tu es jeune, etc. Et quand je dis à ma femme, elle a dit, mais non, elle voulait vraiment aller voir un docteur. Parce qu'on sait très bien que quand on va déjà chez un docteur qui fait des tests, etc., premièrement, c'est extrêmement... C'est stressant, énormément. Et ça demande beaucoup d'examens qui sont inconfortables. Et tu vois, chez ce docteur, et il te touche ici, il te touche là-bas. C'est vraiment inconfortable. Moi, à un moment, je me sentais comme un lapin, quoi. On te prend ici, va là-bas, va là-bas. C'était vraiment, vraiment, vraiment, vraiment tendu. Bon, on est parti à des processus, etc. On a fait tous les examens sur ma femme, tous les examens sur moi, etc. Une fois que vous avez reçu, mais quand la dernière fois, vous m'avez demandé, mince, Marie, elle ne commençait pas. Alors là, il commence. Sans vouloir vous interrompre. Oui.